aujourd'hui, le 18 mars. Monte le volume et hume la différence, Carla. Là. Carla, mais pas Bruni. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Comment ça va? J'espère que vous vous sentez comme un début de fin d'hiver. C'est beau, là! Ce qu'il vient de se dire là, la seconde, là. J'espère que vous vous sentez comme au début de la fin de l'hiver. Ah, je tiens à te dire, mon original, que c'est pas trop, c'est bizarre ce que tu viens de dire là. C'est pas trop commun, puis moi, je me perds un peu là-dedans. C'est comme mon ancienne épouse, Gaétane Labrec. Non, il faut la nommer, hein, sinon elle va me dire que c'est pas d'elle dont il s'agissait. Non, c'est toi. C'est toi. Ou c'est toi. Mais dans son cas, c'est toi. Il faut dire que cette femme-là, pour se valoriser, puis je la comprends, on a besoin de ça, nous, de se valoriser, l'humain. Elle s'achetait toujours les vêtements un point plus grand pour se dire devant le miroir, « Hein, j'ai maigri! » Elle maigrissait pas, elle prenait pas le bon point, la bonne taille. Puis moi, quand je lui achetais des cadeaux, ben c'était à sa taille. Ouais, il me semble que tu me vois pas comme je suis, mon chaton. Au début, c'était mon chaton. Mais tout s'est modifié avec les années. Ça pouvait ressembler à la dernière... quelques jours avant notre rupture, ça pouvait ressembler à ça. Ouais! Ouais! T'as bien changé, toi. On dirait que t'essayes toujours de me diminuer. De me sentir moins que rien. Au début, c'était pas comme ça, hein? Tu m'aimais, tu me le disais. Aujourd'hui, ben, tu m'aimes plus, puis tu me le dis. Puis, non, t'es pas obligé, hein? Tu sais, mon amour. Oh, mon Dieu, on dirait que ça rentre plus dans ma bouche, ça, non, ça, je suis plus capable de le dire. Tu m'as trop fait souffrir. Maintenant, ça me glisse comme sur le dos d'un canard, melon d'eau. Ça me glisse sur le melon d'eau comme le canard. Ah, non. Je voulais juste te dire que tu me feras pas de mal comme tu me l'as fait pendant 28 ans. Hey, 28 ans. 28 ans de trop. J'aurais pu rencontrer un beau monsieur, un beau jeune homme. Tu aurais pu m'aimer pour moi, pour ce que je suis, et non pas ce que tu voulais que je sois. Ah, mon Dieu. Non, mais j'étais une femme heureuse avant d'être rencontrée. Hey, j'étais la dans mon quartier, mais je vais te le raconter, je te l'ai jamais dit. Dans mon quartier, on m'appelait le papillon voyageur. Pourquoi tu ris? Papillon voyageur, ça me ressemble, ça? Moi qui adore le voyage. J'adore voyager, moi. Mais sans toi. Non, mais on dirait que c'est plus agréable. J'apprends plus. C'est parce qu'il n'y a pas un hurlu-berlu à me diminuer. C'est pas comme ça. On nomme pas ça de même. Hey! Mon anglais, moi, je l'ai appris au school in Glynn. Là, je le pratique plus depuis longtemps. Là, c'est pour ça que j'ai de l'accent. Mais squin in Glynn. C'est-tu squin in Glynn? Ben oui, c'est Squid Din Din. Mes parents m'ont... tu dis que j'invente des affaires, mais ils m'ont offert l'université à Londres parce qu'ils voulaient que je peaufine hein, la langue de Shakespeare, l'auteur de Shakespeare. Toi, t'as pas de. Toi, t'es un innocent, toi. Non, excuse-moi là, de te dire. Toi, la culture et toi, là, c'est comme le haut et le bas, hein? C'est. Comment t'appelles ça? Donc le. C'est pas le je m'en souviens, c'est le haut et le bas, c'est la grande solitude. Ouais. Toi, là, la culture et toi, là, c'est une grande solitude. C'est comme oui, les étoiles, là. Une comète noire. T'es comme la lune noire. La connais-tu, la lune noire? Mais non, t'as pas de culture, toi. La lune noire, là, ça a été découvert il y a pas longtemps. Tu sais, le gouffre, là. Non, tu sais même pas qu'il y a eu le gouffre, là. Pas les gouffres, là. Tu penses juste à moi. Toi, là, t'aurais dû faire un cuisinier, mais t'étais trop paresseux. Tu voulais pas battre les œufs. Tu voulais pas battre, en plus, t'aurais pu faire musicien, battre la mesure, mais tu voulais pas battre, là. Ah non, toi t'es un vaincu, t'es un vrai colonisé, t'es un Québécois moyen, tu vas rester moyen. Moi, écoute, je continue à voyager, là, je vais te laisser là, dans quelques minutes, là, puis je vais m'acheter des billets pour aller à Tombouctou. J'ai le goût de Tombouctou, parce que le mot Tombouctou, j'aime ça, mot Tombouctou. Tu connais pas ça, Tombouctou? Sylvain Lelièvre chante une chanson sur Tombouctou. Il dit « Quand Tombouctou à Limoilou! » Tu connais pas ça, Limoilou, non plus? Ben oui, t'es né là, toi. T'es deux pieds encrassés dans Limoilou. T'as jamais sorti de ton quartier. Toi, là, tu sais juste aller-retour sur la 3e avenue puis aller-retour sur la 4e rue. Ça, c'est ta planète. Elle t'a fait bâtir maison, là, imagine-toi donc, en 77. Quand on est arrivé à peine de défricher, il y avait encore de la vache. Tu as dit, ah ouais, la vache dehors, ah ouais, la bonne femme en dedans. On devait avoir des enfants. Mais ton ego est trop démesuré. Comme ton tour de taille, pas mal démesuré. Depuis quelque temps, ça, c'est plus une bedaine de bière, ça, c'est un accouchement. Tu devrais accoucher bientôt. Ça fait 20 ans que t'as pas accouché. T'es même pas capable de dire à quelqu'un « je t'aime ». T'es même pas capable de passer la main sur les cheveux de ta charmante épouse qui est moi-même. T'as peur de te salir les mains. Hey, moi, j'ai une hygiène là irréprochable. Je me lave au lever, je me lave au coucher, puis pendant ce temps-là, je reste dans mon bain au champagne. Tu dis « j'ai dit, voyons donc, toi, dire ça que j'ai des goûts de luxe. Le bonhomme a pas d'argent. » Moi, mettre ça sur la carte de crédit. Si la carte de crédit est pleine, on déclarera faillite. C'est notre troisième, on est bien heureux. Et troisième faillite, faut-tu être assez inconscient? Pourquoi c'est toi qui m'amène à acheter? J'ai pas besoin d'être ça. Moi, ce que je veux, c'est du champagne, uniquement du champagne. Tu m'appelles l'ivrogne du quartier. Voyons, dans les moulous, c'est gênant d'être une ivrogne quand tout le monde est intellectuel là-bas. Je fais partie de l'intellectuel, du côté intelligent et culturel et surtout plein de fraîcheur. Je suis plein de fraîcheur, moi. Ça fait longtemps que tu la cherches, ma fraîcheur. C'est comme Alibaba. Il suffit de dire, ma chérie, ouvre-toi et je vais être là devant toi, tout te raconter ma vie. De A à Z. Sans censure. Parce que la censure, il n'y a rien de pire que la censure, mais toi, tu connais rien à rien, la censure, mais pas c'est quoi, pas la censure, la censure. La censure, c'est dans l'eau, là, ça te colle à la peau, puis ça va te chercher le sang. C'est ça, une censure, c'est une genre d'un ver de terre suceux. Suceux, c'est un ver de terre suceux. Il y en a des suceux de même, là. Lui, il est né suceux, il va mourir suceux. Sur qui? Ben, sur les gens qui se promènent dans l'eau avec dans des endroits où il y a des suceux. Ouais, je sais que j'en connais moi aussi, des suceux en dehors de l'eau, mais non, mais normalement, eux autres, là, tu plonges. T'as-tu vu le film avec Humphrey Bogart? Quand il est dans un bateau, c'est Andrea Queen, Bitch in the Queen. Non, c'est Drag Queen. Le film Drag Queen, quand il s'en... Ben, parce que là, il est dans le Nil. Hein? Il doit débarquer parce qu'il est coincé. Puis là, en débarquant, ben, il sait pas là, qu'il y a des suceux après lui. Fait qu'il est avec la belle Ed Byrne. La belle Ed Byrne qui est là. La comédienne Ed Byrne, hein? Tu connais pas Ed Byrne? Pas une bedonne de pudding, pas le chanteur. Ed Byrne, la comédienne, la grande comédienne, la grande tragédienne. La tragédienne. J'ai jamais vu cette femme-là pleurer, là, comme tout le monde. Elle, c'est toujours c'est des élancés de pleurage, puis de pleurs. Ah, ça pleure, ça. C'est comme elle saute pleurer, ça pleure. Puis elle a appris à pleurer. Et ça, tout le monde la connaît. À l'acteur studio, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'elle fait Tu dis, voyons donc, elle tombe-tu dans un mal? Oui. Elle se place, hein, dans la. Exactement, madame. Vous connaissez ça, le théâtre puis le cinéma. Elle se place dans la peau de son personnage. J'aurais pu faire de la comédie, moi aussi, mais tu m'en as empêché. Tu voulais pas que je sorte. Puis là, quand c'était pour le moment là, d'un baiser, comme dans Roméo et Juliette, c'est un baiser d'acteur. C'est pas un baiser, j'irai pas avec lui, je m'en irai pas avec lui. C'est un baiser d'acteur, c'est indiqué dans le scénario, embrasser. C'est pas, on n'embrasse pas parce qu'on l'aime, on embrasse parce que dans notre rôle, hein, Juliette veut embrasser Roméo. Puis là, Roméo est là, puis ding, ding, ding, ding, hein, tout le monde en là, les jambes en là, ça danse, c'est beau, c'est merveilleux, c'est sa comédie musicale, Roméo et Juliette. Ah, c'est, hein, quand ils se mettent à chanter, non, puis là, Juliette saute sur lui, puis tombe par terre, puis là, elle l'embrasse, elle l'aime, son Roméo. Allez voir ça, courez à quatre pattes. Mais voyons donc, toi, courir à quatre pattes. Non, courez à quatre pattes. Hein? Vous avez senti qu'il y avait de la vibration, hein? La transe a presque commencé. Connaissez-vous ça, la transe, monsieur? Non, il connaît rien. C'est mon ancien mari. C'est mon ancien mari depuis 2 minutes. Ah, ça, il m'intéresse tellement plus, là, que je le regarde. Ça fait à peu près 15 ans que je ne l'ai pas regardé. Ça sert à quoi de regarder quelqu'un qui te méprise, qui lui, a toujours sa petite vision du monde, puis quelque chose de blessant à te dire? Hey, moi, je suis pas capable, plus capable. Je t'ai déjà pas, au début, avant le mariage, je me suis dit, est-ce que je m'embarque là-dedans, à deux pieds joints? Bonne question, hein? Puis là, ça a été la question de ma vie. Est-ce que je vais faire la bonne affaire? Ben, on se demande ça. Ah, on fait-tu une bonne affaire? On a juste une vie à vivre. Est-ce que je vais me placer avec un crotté? Un incapable? Un soumis? Fais du bien! Là, ben, après coup, tu te dis, ben, voyons, on va l'essayer. Hein? Il faut bien l'essayer. Si on l'essaye pas, on pourra jamais savoir. Mais j'avais un doute, hein. Tu sais, le doute féminin, là. Ouais. T'en as pas de doute féminin, là? Ben, voyons donc. Non, ça vient pas en prime, là. Tu nais, pis t'as le... Ouais. Ah, ben. Bon. J'ai curieux. Ben, voyons. Ben, voyons donc. Ah, ben, peut-être que tes parents t'ont pas... Ça, c'est aussi à l'éducation. T'as pas été... Oh, t'es comme l'enfant sauvage de... Ah, ben, voyons donc. T'es né dans la forêt. Comme la brebis. Ben, voyons donc. Est-ce possible? Tu viens me chercher quelque chose en moi, là? Je me sens comme Valkyrie et Valkyra au pays des ananas avec Samantha, Louisette et Raymond.

C'est quand même assez curieux. Bon. Tant mieux. Oui, alors ben, je suis ravi, hein, j'adore Montréal, et puis ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Donc, c'est une quinzaine d'années? Comment? Une quinzaine d'années? Oh, peut-être bien, oui, peut-être bien, oui, oh oui. Parce que la dernière fois, c'était, je crois, pour un spectacle que mon ami Didier Morissonneau avait monté sur le Big Bazar. Oui. Donc, je pense que ça fait, ça fait un petit bout de temps. Alors, j'y suis passé, bon, en escale, en transit, pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok, oui. Parce que je vais assez souvent à Saint-Pierre-et-Miquelon, que j'aime beaucoup. Vous avez des amis? Tu as des amis? J'y ai maintenant des amis. Avec le temps. Avec le temps. Bon, j'en avais pas au départ, bien sûr. C'est tout petit, hein, Saint-Pierre. Oui. M'y arrêter, non, ça fait longtemps que je ne me suis pas arrêté à Montréal, donc je suis ravi, voilà, je pars demain. Pour une semaine. Voilà, pour retrouver Didier Morissonneau, et puis donc on fait un spectacle samedi prochain, samedi soir, et donc bah, je vais passer la semaine à faire un peu de... surtout de promo. Que je répète, j'ai pas tellement besoin de répéter, je m'accompagne moi-même, ouais. La guitare, bon, ça va. Tu connais ton matériel. Voilà, bah oui, ça, bon, il n'y a pas grand-chose comme matériel, je n'ai pas besoin de grand-chose. Mais par contre, bah, je connais, si je connais très bien mon matériel, le public, lui, ne me connaît pas, donc, pour faire venir un peu le monde, on va faire un peu de promo. Voilà. Mais quand, au départ, on va commencer par le début. Oui. Ça prend déjà. Bon, oui. Ah, d'accord, ok. On perd pas de temps. Les micros sont déjà prêts. D'accord, mais c'est parfait. J'ai réglé tout ça en bas sur les bancs publics avant de monter en haut. D'accord. Ah oui, il y a une petite place avec des bancs qui est très sympa. Oui, c'est ça. Juste en face. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Venez. Pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter Toréador. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué. Pour l'opéra. C'est comme ça je ne suis ni Carozoni Rossini. Je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la colosse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville. En rêvant que je suis à la Salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour la. Donc, es-tu un véritable Parisien? Ben, je suis né à Paris, oui. Ouais. Je suis né à Paris 12e. Voilà, mais alors mes parents n'habitaient pas Paris exactement, mais une banlieue toute proche de Paris. Enfin, c'est une banlieue qui touche à Paris, qui s'appelle Saint-Mandé. Donc ça, c'est la banlieue Est. Mais comme mon papa travaillait chez son père comme photographe, toute ma famille était photographe, dans le 12e, donc avenue Daumesnil, ma mère a accouché avenue Daumesnil, voilà. Et donc, je suis né à Paris, et depuis que je suis majeur, je vis à Paris. Voilà. Okay. Depuis que j'ai quitté le domicile de mes parents, je vis à Paris. Est-ce qu'il y a des arrondissements que tu préfères à Paris? Pas spécialement, non. J'aime beaucoup Paris en général. Bon, il y a quelques arrondissements où honnêtement je ne pourrais pas vivre, comme le 16e par exemple, ça c'est ouais. Vraiment un arrondissement où je ne pourrais pas vivre. Mais sinon, non. J'ai habité un peu partout dans Paris, j'ai beaucoup déménagé. Hein. Là, il se trouve que je suis dans le 8e. Enfin, c'est limitrophe entre le 8e et le 14e. Bon. Ouais. Mais j'ai habité le 13e, le 14e, le 17e, le 4e. J'ai habité un peu partout. J'aime Paris en général, bon, aussi bien des places magnifiques comme la place des Vosges que des quartiers plus populaires ou des quartiers plus arborés comme la Mousaïa ou la campagne à Paris. Enfin bon, oui, j'aime beaucoup Paris. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'à un moment donné tu prennes le crayon et que tu écrives des chansons? C'était peut-être à l'école que tu as commencé? Alors ça s'est fait en deux temps. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalia. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalia. Mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc? Une doudou à ma doudou à dos. Vider au dodo, c'est bidon. Moi, doudou, j'ai tous les dons. Alors, le crayon, la plume, le fait d'écrire, ça c'est à 8 ans. Un truc un peu bizarre, c'est que bon, mes parents sortaient tous les mercredis. Bon, ils étaient commerçants, donc mon père était photographe, photographe de banlieue. Bon, donc ils faisaient des photos d'amateurs, sorties église, ils ont des appareils. Bon. Et puis, donc tous les mercredis, ils avaient leur jour de sortie. Et on était gardés par une brave dame qui était une voisine. On n'appelait pas encore ça babysitter à l'époque. À l'époque, c'était nounou, bon, voilà. Chez nous, c'est une gardienne. Une gardienne, oui, voilà. Bon, peu importe. Et donc, j'ai dû faire une bêtise. Elle m'a dit, j'avais 8 ans. Hein. De toute façon, t'es qu'un bon à rien. Et pour lui prouver que j'étais pas un bon à rien, ben, j'ai été dans ma chambre, j'ai été écrire mon premier poème à l'âge de 8 ans. Voilà. C'était un peu bizarre comme réflexe. Voilà, et puis les chansons, ça arrivait plus tard. Ça arrivait vers 15-16 ans. Mais ce que tu as écrit, est-ce que c'était virulent est-ce que tu l'expliquais? Ah non, okay. Pas du tout. Pas du tout virulent, non, non. Non, non, elle m'avait dit que j'étais un bon à rien, je voulais lui prouver que c'était pas vrai. J'étais pas un bon à rien, okay. Non, non, j'ai écrit un poème. Est-ce que tu l'as lu? Ah non. Ok, ok. Oh, bah, non, non, c'était une pyrénéenne, je pense qu'elle était illettrée. Ah, hein. Ouais, okay. Bon, à l'époque, il y en avait encore pas mal. Ouais. Non, je l'ai lu à ma mère le lendemain, mais à elle, non, pas du tout. Je pense qu'elle n'était pas du tout apte à apprécier ça, voire à comprendre la démarche. Non, non, je l'ai lu à ma mère, bon, qui évidemment trouvait ça très bien. Ah oui? Oui. Elle a vu qu'il y avait quelque chose. Oh, ben j'avais 8 ans, donc ça oui. L'a impressionné. Bon, ah, oui. Puis alors, moi je voulais pas faire les choses comme tout le monde, donc comme j'avais remarqué que tous les poèmes, je lisais beaucoup de poèmes déjà, étaient en vers de 6 pieds, de 8 pieds, ah, ou 12 pieds. Ce soir j'aurais envie de raconter ma vie. Et je ne sais pas trop à qui. Prenez la rue d'une ville grise, une maison bancale, une mairie avec une église, l'école communale, une petite mauvaise élève qui oublie ses leçons, une petite fille rêve peut-être à un garçon. Prenez un soir de bal populaire, des gars qui roulent un peu. Et l'enfant sage ignore que sa mère s'est fait prendre à ce jeu. On danse un peu, on rit, on s'embrasse et l'on se sent perdu. C'est le mystère, un ange passe qui est tombé des nues. Comme un arc-en-ciel, ça fait briller le ciel. Soudain, on se sent mieux dans sa peau. Comme un arc-en-ciel suivi du grand soleil, celui qui donne un froid dans le dos. Prenez un jour de pluie en automne, petit matin banal, et une absence qui vous étonne avant de vous faire mal. Prenez des jours et des mois qui passent, un miroir qui vieillit. remplaçable se remplace et le chagrin s'oublie comme un arc-en-ciel. Ça fait briller le ciel. Soudain, on se sent mieux dans sa peau. Alors, j'ai fait un verre de 13 pieds pour pas faire comme tout le monde. Voilà. Bon. C'est la seule petite coquetterie que je me suis permise. Ben, putain, c'est quand même extraordinaire d'avoir une connaissance. Je sais pas. Ça a été vraiment le réflexe. Voilà. Elle pense que je suis un moirien. Ben non, je vais écrire un poème pour lui montrer le contraire. Ouais. Bon, voilà. Et puis, la chanson, c'est arrivé vers 15-16 ans. Alors j'ai toujours écrit des poèmes après, hein, j'ai pas arrêté. Et puis un jour j'ai entendu une chanson de Jacques Brel et ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup plu. Laquelle ? C'était Ne me quitte pas. Ouais. Et donc j'ai essayé de relier mes poèmes à la musique parce que je faisais aussi du piano, classique. Oui, bon, oui, comme tous les enfants. Quoi, solfège, bon. Tout le truc. J'ai pris un peu le piano avec un prof, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons. Et, bon, j'écrivais des poèmes et parce que je trouvais que Jacques Brel, c'était chouette. Bon, j'étais ado, donc tout ce qu'il pouvait y avoir chez Brel, d'un peu idéaliste, bon, quand on a que l'amour, tout ça, bon, ça me touchait forcément. Mmh. Voilà. Ben, c'est comme ça que ça a démarré. Mais les chansons, tu les as écrites pour toi ou si tu les as rédigées pour quelqu'un d'autre? Ah non, c'était pour moi à l'époque. J'imaginais même pas qu'on puisse écrire pour des artistes, etc. Moi, je faisais ça pour mon plaisir. Je rêvais pas du tout d'en faire une carrière ou d'en faire un métier. Non, c'était pour moi. Alors bon, il y a eu différentes périodes, c'est normal. Bon, l'adolescence, donc... une période un peu bucolique, une période évidemment un peu révoltée, bon, l'adolescence, et puis la période amoureuse, sentimentale, quand j'ai eu mes premiers émois amoureux pour des jeunes filles, je leur ai écrit des chansons, quoi, bon. Est-ce que ça fonctionnait? Auprès des jeunes filles, ben non, parce que je n'osais pas leur montrer, okay. J'étais trop timide, mm-hmm. Donc, bon, alors... je montrais mes chansons. Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 5h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français. Et j'allais me refaire une bonne conscience lorsque j'entendis « Tu viens, mon biquet ?» Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière. J'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors je suis venu en faisant ma prière. Je voulais faire l'apôtre et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Et c'est là, bêtement, dans cette chambre obscure, cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai reçu ma première blessure, laissé mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant du guet. Moi je n'ai récolté que trois, notre père, 2 minutes de remords, 1-0 de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. La la la la, la la la la. Le dimanche, en famille, après les repas de famille, les fameux repas de famille, alors je prenais ma guitare, parce que j'avais appris la guitare entre-temps, sur les conseils d'un chanteur que j'avais rencontré, qui s'appelait Francis Lemar, qui m'avait conseillé d'apprendre la guitare. Okay. Voilà. Alors je chantais ça à la fin des repas de famille, enfin ça n'avait pas beaucoup de succès. Bon, j'avais un oncle aussi qui me disait « Oh là, elles sont bien tes chansons, elles sont... mais c'est pas assez commercial, ça marchera jamais. » Bon, voilà. Bon. Alors, ça me décourait, je sais pas, je continuais. Une première critique défavorable, mais tu t'es pas arrêté, au contraire? Oh, c'était même pas une critique, c'était un monsieur qui était très gentil, mais qui buvait beaucoup, donc il disait un peu n'importe quoi. Il disait un peu n'importe quoi. Bon, je m'en foutais, de toute façon, je faisais pas ça pour que ça marche. Donc, le fait qu'ils me disent que c'était pas commercial, ça me touchait pas beaucoup. Non, ce qui m'amuse, c'est que plus tard, après, quand j'ai écrit des chansons professionnellement, que ça s'est bien marché, ils me disaient le contraire. Ah, voilà. Tes chansons, elles sont bien, mais elles sont trop commerciales. Ok, le virus, ça reste un temps. Faudrait savoir, quoi. Faudrait savoir. Mais bon. Il y a des choses dont j'avais content. Ah, non, c'est ça, des insatisfaits. J'ai tant de mal à être moi. J'avais envie que ça soit dans un sens. Bah, c'est-à-dire que l'alcool, l'alcool n'aide pas beaucoup. Non, non, non. Voilà, à être objectif. Non, là, c'est bon, vrai. C'est sûr. Voilà. Voilà comment ça a commencé. Voilà. Mais à quel moment les gens t'ont approché pour que tu le récupères? Oh, bah, ça ne s'est pas fait tout seul. Bon, l'élément déclencheur, ça a été mes études supérieures quand j'ai préparé Normal Sup. Alors j'étais dans une classe préparatoire à Normal Sup. En France, on appelle ça Hippocagne et Cagne. Donc j'ai fait Hippocagne et Cagne au lycée Henri IV. Qui était, bon, il y avait deux grosses cagnes en France, c'était Louis le Grand et Henri IV. Bon, et donc là, j'avais des condisciples qui étaient quand même assez forts, hein, bon, dans le domaine littéraire. Et donc ils ont aimé mes chansons, et il y en a trois ou quatre comme ça qui sont devenus un peu des fans, quoi, des supporters, des aficionados, comme on dit en Italie. Et ils m'ont dit, mais faut montrer des chansons, il faut... Alors moi je ne sais pas, parce que j'étais toujours aussi timide, et ils m'ont inscrit dans un concours, voilà, sans me demander mon avis. Ok. Alors, je suis allé auditionner à ce concours, puisqu'il m'avait inscrit. Uh-huh. Alors, c'était un truc qui s'appelait le jeu de la chance, qui avait lieu tous les dimanches à la télé. Il fallait chanter deux chansons à l'audition, ce que j'ai fait. Et puis, bon, après quelques péripéties, bon, ce serait trop long à raconter, bon, j'ai été retenu, j'ai fait le concours, donc je suis passé à la télé. Un dimanche après-midi, donc dans ce fameux jeu de la chance, qui est le jeu qu'a révélé Mireille Mathieu, Thierry Le Luron, etc. Bon. Et puis là, il y avait deux filles qui avaient été sélectionnées comme moi. On avait été sept jeunes à avoir été sélectionnées. Et les filles m'ont dit, bon, nous, on fait partie du petit conservatoire de Mireille, tu devrais venir. Bon, ben, elle va dire... Elle a dû me trouver sympa, peut-être mignon, même, peut-être à leur goût, c'était des filles, hein, oui, oui. Voilà. Et donc, je suis allé auditionner chez Mireille. Bon, après quelques péripéties aussi, je ne vais pas raconter, ce serait trop long. J'ai été retenu et j'ai commencé donc à faire partie du petit conservatoire de la chanson de Mireille, qui était la seule école qui existait à l'époque et qui était une école très importante parce que Mireille était une immense artiste. Qui avait fait beaucoup de chansons très connues avec Jean Nohain et qui avait été la pionnière de la chanson moderne en France, avant Trenet. Bon, Trenet disait toujours d'ailleurs, on dit toujours c'est quoi qui a importé les rythmes jazzy américains, etc., swing en France, mais c'est pas vrai, c'est Mireille qui. Bon. Et une femme, c'est merveilleux. Une femme, oui, tout à fait. Alors, une. Petit bout de bonne femme, comme on dit, hein. Mais alors, bon, avec beaucoup d'énergie, beaucoup une grande volonté, une grande intelligence, j'ai eu énormément de chance de la rencontrer, comme tous les gens qui ont fait le petit conservatoire, je ne suis pas le seul, hein. Françoise Hardy, Hugo Frey, Jean-Jacques Debout, Alain Souchon, même on ne le dit pas, mais bon, je l'ai vu, hein, au petit conservatoire. Souchon Ah oui, il y est passé. Yves Duteil, Alice Doda, on est beaucoup à être passé par le petit conservatoire de Mireille. Bon, voilà. Et donc, Mireille a commencé à me faire travailler, à me faire écrire pour d'autres. Et puis, on se filait les tuyaux avec les copines et les copains. Alors, il y a une audition à tel endroit, il y a un cabaret qui cherche des jeunes, etc. Bon, il y a tel concours. Alors, j'ai fait d'autres concours. J'en ai gagné un très important qui s'appelait Les Relais de la chanson française, qui avait lieu tous les ans et qui était un concours à l'échelon national. C'était Serge Lama qui l'avait gagné en 64. Ah oui. Moi, je l'ai gagné en 66, deux ans plus tard. Et puis. Avec quelle chanson ? Absolument inconnue, pardon, désolé. Marielle, je te rappelle, je suis en pleine interview. Je te rappelle. Excusez-moi. Voilà. Alors, alors la chanson. Ce n'est pas des chansons connues, évidemment. On n'en était pas encore là. Et donc. Qui excuse-moi. On n'en est pas. On n'en était pas encore là. Bon. Okay. Mais j'ai gagné, en tout cas. Et puis, il y avait un copain anglais qui, lui, faisait Normal Sup et qui m'a emmené un jour au Centre américain d'étudiants et d'artistes, qui se situait boulevard Raspail à Paris. Il y avait un spectacle de chansons un peu genre happening, quoi, ouais, qui avait lieu toutes les semaines, le mardi soir. Ça s'appelait le Hootenanny, voilà. Et bon, j'ai commencé à passer là aussi. Je faisais du succès, hein, vraiment, bon. Et je chantais en cabaret aussi, bon, au Cheval d'Or, à l'Écluse, tout ça. Dans des spasmes de néon, pleure un bandoneon, ses larmes de tango. Et ma chambre a pris la mer, j'échoue à Buenos Aires, largué par un cargo. Sur le boulevard du Rhum, ça tangue un maximum, la rade est un radeau. J'ai le cœur vitriolé, la nuit m'a fusillé d'une belle dans la peau. Et je me sens desperado. Dans mon verre de brandy, j'entends des mariachis qui jouent avec ma mort. Et je danse avec la haine des valses mexicaines où je t'invite encore. Qui va tuer Pancho Villa, la fille qui s'en va, ou le combat de trop? C'est souvent pour une putain qu'aux portes du matin pleure le guerriero. Et je me sens desperado. Seul et je suis nu, l'absence est revenue, têtu comme un fado. Comme après le carnaval, le grand soleil fait mal, même au Corcovado. Oui, je me sens desperado. Et puis un soir, bon, 5 juillet 66, donc j'avais pas encore 21 ans, j'ai rencontré un grand mec, genre étudiant américain, qui est venu discuter avec mon petit groupe du petit conservatoire. Il fait des compliments à une chanteuse, et puis il m'a dit: ah, monsieur, j'ai beaucoup aimé vos chansons, elles sont très bien. Bon, il s'appelle Joe Dassin, voilà. Et donc on est allé boire un verre chez lui. Il était venu en voisin parce qu'il habitait boulevard Raspail, et ce Hootenanny était boulevard Raspail. Bon, et donc on a discuté, on a sympathisé. Il a engagé la jeune fille dont il avait aimé la voix pour lui faire faire un disque. Est-ce qu'il était connu à l'époque? Un peu. Okay. Un peu. un peu, mais pas tant que ça. Okay. Mais comme il était américain, il voulait travailler à l'américaine. C'est-à-dire, il voulait pas seulement chanter, mais produire des artistes, etc. Donc il voulait produire cette jeune femme, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et moi, comme j'étais amoureux de la jeune fille en question, quand elle venait répéter chez lui, ben j'y allais aussi. Et donc, chaque fois, il me disait « Ah, montre-moi tes nouvelles chansons. Ah, ben, c'est bien, t'écris bien. » Et puis un jour, il m'a dit « Bon, écoute, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Bon, a priori, toi, t'es plutôt rive gauche, moi, je suis plutôt folk, country, rive droite. Mais j'aime ton écriture, essayons. » Et puis voilà, bon, ça, c'était la première chanson ensemble, donc avril-mai 67, et puis ça a été suivi de... C'est laquelle ? Ça s'appelait Hello Hello, c'était pas une chanson connue, et ça a été suivi de 129 autres, puisque j'ai écrit 130 chansons pour Joe. Après, ça a été assez long quand même, parce qu'entre-temps, j'ai fait mon service militaire, bon, donc je suis parti... à l'armée par le cœur très gai, parce que j'avais laissé quand même un début de carrière, parce que j'avais écrit déjà 3-4 chansons pour Joe, j'avais écrit une chanson pour Dalida, une ou deux pour cette jeune femme, la Vava, etc. Donc c'était pas drôle de devoir partir à l'armée à ce moment-là, mais il fallait bien, c'était obligé. Je vais te raconter l'histoire. Faut ce qu'il faut. D'un gars qui voulait changer l'histoire. Trop c'est trop. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh! Un petit coup de Marseillaise. Oh non. Un petit bout de la Madelon. Sûrement pas. Vive l'amour à la Française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh. Tout finit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Il épousa un jour de gloire. Faut ce qu'il faut. Une demoiselle nommée Victoire. Trop c'est trop. Elle était fille de légionnaire. D'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez. Un petit coup de Marseillaise. Ouais, tiens. Un petit bout de la Madone. J'ai dit. De l'amour à la française. Et vive Paul et ses falaises. Tout finit par des plongeons. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr c'est difficile à croire. Trop c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Fit une entaille plus large que ses galons. Du champ de bataille sorti la moitié d'un con. Et allez. Un petit coup de Marseillaise. Ouais non non. Un petit coup de la Madelon. J'ai dit non. L'amour à la française. Et vive enfin le père Lachaise. Tout finit au goupillon. Pompon. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Pendant l'armée, je me suis pas découragé, je continuais à écrire. Quand je suis rentré de l'armée, Joe était devenu la vedette française numéro 1, bon, mais sans moi. Donc il a fallu reconquérir ma place dans son équipe. Et puis il avait pris Pierre Delanoë comme auteur, qui était à l'époque l'auteur le plus connu, quoi. Donc ça n'a pas été simple. Et puis un jour, j'ai fait deux chansons que je suis allé lui montrer. Il ne les a pas retenues, mais son directeur artistique, qui les a entendues quelques mois plus tard, m'a dit « mais il faut absolument que Joe les chante ». Et donc c'était La Fleur aux Dents et L'Équipe à Jojo. Ah, oui. Et c'était donc ça en 70, donc j'avais 25 ans. Et il les a enregistrés finalement, après les avoir refusés, les enregistrer. Et elles sont sorties, et puis ça c'est devenu numéro un. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain d'habitant de chambre de bonne, avec même pas d'eau dans la chambre, même pas de gaz dans la chambre, même pas de chauffage dans la chambre. Numéro un à la radio et des ventes de disques. Bon, donc ça, évidemment, ça change beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, le téléphone a commencé à sonner et il y a d'autres personnes qui m'ont demandé. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en grande partie, grâce à mes copains de Cagnes qui m'ont poussé à faire ce concours. Comme moi, j'étais hyper timide, je pense que s'ils n'avaient pas été là, je serais devenu prof d'histoire comme j'aurais dû l'être et je n'aurais pas eu le plaisir de vivre en écrivant des chansons. Voilà. Citoyens de la commune parisienne, nos maris, nos pères nous traitent comme des chiens. Je dis que ce sont eux les chiens. Il est temps pour les esclaves d'arracher leurs chaînes. L'animal qui rampe a le droit au bonheur. Mes sœurs de cœur, mes sœurs de sexe, d'injustice et de malheur, les âmes se croient Dieu. Mais Dieu, Dieu est bon. Femme de Paris, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Plus de tyrans, plus de mères, pauvres et truands, flics ou frères, ils sont tous les mêmes, trop sûrs qu'on les aime, pour voir l'air dans nos yeux, dans nos belles femmes de Paris. En avant, femmes de partout, avec nous, femmes de Paris, réveillez-vous, levez-vous, l'homme fort, l'homme mal et mort. aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu veux transmettre à d'autres. Ben, je crois que c'est un devoir, ça. Bon, j'ai quand même maintenant, ça fait 57 ans hein, que j'écris professionnellement, que je gagne ma vie avec mes chansons. Je continue à beaucoup travailler, et bon, non seulement je travaille beaucoup, mais j'ai beaucoup de reprises, là, ces derniers temps, ça n'a pas arrêté, bon, aussi bien M que Slimane, que Julien Doré, que Lucas. Tu l'écris pour eux? Non, ils me font des reprises. Ok, ah oui. Je viens de dire que... Ah oui, excuse-moi, oui, ok. Non, j'écris pour d'autres, okay. Mais pas pour eux. Ok. Non. Non, ils m'ont repris. Oh, c'est bien. Elle m'a repris à toi. Julien Doré a repris Et si tu n'existais pas. Oui, j'ai bien entendu. Slimane a repris J'ai le boost de toi. Enfin bon, ça n'arrête pas. Mais j'ai pris aussi beaucoup pour d'autres. Hein, oh, ouais. Donc ça a la chance de. J'ai la chance de continuer. Et en même temps, moi, j'ai voulu transmettre parce que je trouve que c'est un devoir pour les... Bah, c'est comme dans le temps, quoi, quand il y avait les artisans qui transmettaient aux jeunes. Donc, j'ai entrepris cette mission de transmission depuis 1988, déjà. Ça fait 35 ans. Et je continue, donc ça me prend énormément de temps aussi. Ouais. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières. C'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Toi seul qui a changé. Moi je suis restée la même, celle qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus. Et la vie continue. La la la la la la la la. Je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. Ah, Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.